Il est 9h-4. François Morel, ça va mieux, François ? Ça va mieux. Ça va mieux. Non, mais vous trouvez pas que ça va mieux ? Ça va quand même beaucoup mieux, franchement. Avant, ça allait moins bien. Alors, rappelez-vous, ça allait de mal en pis, mais maintenant, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Non, j'exagère. Ça va peut-être pas beaucoup, beaucoup mieux, mais ça va quand même un peu mieux. Un petit peu mieux, parce que je suis pas idiot, je dis pas que ça va bien bien, mais ça va quand même beaucoup moins mal que si c'était encore pire. Et ça pourrait être encore pire. Pour le moment, on n'imagine pas exactement comment, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, mais je suis sûr que le pire est toujours possible. Ah si, ça va mieux. Par exemple, ce vent de tolérance qui souffle à qui mieux, ce désir de comprendre l'autre qui anime chacun, ce souci d'humanité qui prévaut partout et qui permet de huiler un peu les rouages de la machine sociale. Si on est un peu sincère, force est de constater qu'on est quand même bien content que ça aille mieux par rapport à avant, quand ça allait peut-être pas plus mal, mais quand même moins bien. Avant, je ne prendrai qu'un exemple, parce que je donne peut-être l'impression d'élucubrer dans le vide. Mais attention, je ne dis pas les choses en l'air. J'étaye mes affirmations par une démonstration que je porte à votre analyse. Je vais vous donner un exemple. L'affaire Black M à Verdun. Avant, je suis sûr qu'un maire PS, par simple fermeture d'esprit, par pur dogmatisme, aurait réfléchi à deux fois avant de programmer un rappeur connu pour ses prises de position homophobes, antisémites. Avant, je suis sûr que le FN aurait pu trouver certaines excuses, quand ce n'est pas certaines vertus, dans le discours d'un type qui volontiers casse du juif et du PD. Là, ça va mieux, on sent vraiment que les lignes bougent, que chacun a envie de faire un pas vers l'autre dans un souci de fraternité. Avec tout ça, le concert de Verdun est annulé, ce serait bien de trouver une autre idée si vous pensez à quelqu'un. Évidemment, tout de suite, ce qui vient à l'esprit, c'est Mireille Mathieu ou Johnny Hallyday. Pour les commémorations, en général, ce sont eux qu'on sollicite. D'autant qu'en l'occurrence, ils sont quasiment contemporains des Poilus de 14. On peut trouver mieux et moins cher. Je pensais notamment à Eddie Pascal. Eddie Pascal, entendu récemment dans l'émission de Philippe Meyer, qui a eu la bonne idée de passer la chanson préférée de Raphaël Mesrahi. Ça s'appelle « La complainte du goéland ». Normalement, c'est une chanson qui met en joie tous ceux qui la découvrent. Je l'ai fait récemment écouter à un copain. Devant mon enthousiasme, il a eu un commentaire laconique. Il a dit « Ça va pas mieux ». Joyeux portugais, rameutre à la lèvre, trouve la morue perdue au fond des mers, pendant que tout seul dans le vent, se caillant sans rien dire, un grand goéland se fendait la tirelire. Ah si j'avais des plumes au cul, que je me fais moquer moi régulièrement pour passer des chansons ringardes à 7h43. Pas, choix, Annie et vous Cordy, tranquillement. Pas ringard, ah bah oui, vous. Annie Cordy. Ah, deux jours de suite, Annie Cordy. Ah bah super, merci. Merci à vous, François Morel.